pas mal le son quand même. Je ne parle pas français. Moi non plus, je ne parle pas français. Ok, where do you come from? Moment. Ah oui, check. Alors, Nimbot.com. Nimbot.com, user. Il y a 12 heures, et là il y a user. Cuba! Ah non, Ciwab de Brésil. Ah, viva Brasil! Oh, viva Brasil! Ma que linda! Que Ronaldo! Je veux aller au Brésil, je veux aller au Brésil, je veux aller au Brésil, je veux aller au Brésil, je veux changer de sexe, yes. Ouais, je suis bon pour la foufoune. Oh putain, dire que tout est enregistré. Oh mon dieu, dans 20 ans on écoutera ça. I want to be transsexual. Je veux me faire greffer un doigt supplémentaire. Putain, filou, tu recommences, pas comme l'autre jour. Hein. Clouture, c'était cochon. Ah oui, trois nénés. Le pied. Attends, attends, il y en a une. Si, ils sont brésiliens d'ailleurs. Total Recall. Ouais, je l'ai vu, je crois. ça date d'un moment. Je me rappelais même plus qu'il y avait la nana au 300. Oui, effectivement. Maintenant que je me la remémore. Bon, I have to go by the baguette. Putain, ça ne rajeunit pas. Paul, c'est quoi Paul? Paul. Il y a Paul 2. C'est de Greg Motola, c'est ça? Science-fiction américain breton. Rien que la tronche des mecs déjà. Ah mais tu m'as déjà montré ça. Faut que je regarde ça toute seule parce que mon copain il aime pas la science-fiction. Comment il est tombé. Ah ça je vais regarder, c'est trop mignon. Ouais, c'est trop mignon, je vais regarder ça toi. Paul. Qu'est-ce que... Il existe en streaming? Tu le trouves où? Monsieur l'informaticien, là, chevronné. Hey, Zidéal. Zinedine Zidéal. Come on. Je me demande pourquoi j'envoie des CV pour qu'ils me disent « Nous sommes désolés, vous ne faites pas l'affaire, malgré la qualité de votre CV, vous ne correspondez pas à ce que nous recherchons. » C'est trop mignon. RP, Sonia, speaking French. C'est mignon. Monsieur l'enfant, what's this? Bon, ok. I'll be back later. I have to buy some bread. Because pas de bread, pas de bouffe. Hasta luego. See you later, dear. Je suis le GPS. Tournez à gauche. Ensuite, tournez la première à droite. Bon bah tout le temps, je vous revois tout à l'heure, hein. C'est pas loin la boulangerie. Gardez-moi la place au chef. Sinon je ferme à l'heure. Thank you. Allô, allô. petit guetteur.